Cours numéro 2. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahul Mas'ul al-Marju al-Ijaba an yuhsina ila al-akh ala ad-din fi ad-dunya wal akhirah. فهذه الرسالة cette lettre de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi أرسلها إلى أحد الإخوان اسمه علاء الدين. Il a envoyé à ce frère. وهذا الشخص il est غير معروف. On ne sait pas c'est qui. Est-ce que c'est un proche de l'imam Ibn al-Qayyim أم لا. الله أعلم بمن هو. لكن لا شك أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه اللي كونس فإلوا إكري ست رسالة قال الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ على الدين فتأمل هذا الأدب من رسالة سفخة أولا إفاء سدعة أن يحسن إلى الأخ رفق لا شك أن هذا الأخ سي لي سيت لتر أنه إيفا إسيي لا شك دابليكي سي كونساي ولا شك أنه إيفا ليغ لماذا لأن افتتاح الرسالة إلي فوندي سور لا دوسور قال أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة والإحسان يعم جميع الخير حقيقة هذا الدعاء كالإمام ابن القيم رحمة الله عليه لافا سين خير عظيم pour هذا الأخ أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة وهذا سنجلب طول الخير في الدنيا في الآخرة قال وينفع به ويجعله مباركا أينما كان كذلك دعاء عظيم أن يجعله مباركا أينما كان أي البركة سي الخير البركة يعرفها أهل العلم بقولهم ثبوت الخير الإلهي في الشيء أي يسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأخ مباركا أينما كان أي كسوى أكمباني دو خير دو الطاعة de l'istiqama où qu'il soit. Fadua un nafi'. Qala fa inna barakat ar-rajul ta'limuhu lil khayr haythu hal wa nushuhu li kulli man ijtama'a bih. Qala Allah ta'ala ikhbaran 'an al-masih 'alayhi as-salam wa ja'alani mubarakan aynama kunt ay mu'alliman lil khayr da'iyan ila Allah mudhakkiran bih مرغبا في طاعاته الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يليكسبليك أن البركة بركة الرجل سكوا فأون اسبيرتوس هذا دتخ مبارك وكنسوا ابن القيم رحمة الله عليه ديمونتخنا بركة الرجل أي سلوي كيف أتخ على خير أولا قال فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل أنه يدن de l'importance au علم فإلا أبخل وكذلك يمونتخ aux autres حيث حل أو كل سوى ça nous montre أن البركة والخير c'est pas في المال c'est pas في كثرة الأولاد c'est pas في السيارات وتل شوز من أمور الدنيا لا ça peut être un خير pour la personne si il applique ces choses في طاعة الله ça peut être une فتنة un شر أما العلم سيسا بركة الرجل وكل سوى فبإذن الله عز وجل يبخفت أي فبخفت لزطر قال ونصحه لكل من اجتمع به كذلك النصيحة كما نتعي قليلا دون المقدمة ونصحه لكل من اجتمع به أي يكون سيد سيف واحد إلى تقصير يكون سيد Si voit واحد il fait une faute, il conseille. Si voit واحد il a délaissé certaines choses, il se laisse aller et conseille. قال قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت أي معلما للخير. الله سبحانه وتعالى جعل عيسى بن مريم مباركا أينما كان. Où qu'il se trouvait, alayhi salatu wassalam, ce Nabi, ce Rasoul, Isa ibn Maryam, il était mubarak, de la baraka avec lui. C'est quoi cette baraka qui l'accompagnait? Qala ibn al-Qayyim, ay mu'alliman lil khayr. Il enseignait aux autres. On ne doit pas négliger ce point, d'atteindre tel niveau pour montrer aux autres, khasatan à ses proches, khasatan à ses voisins, khasatan s'ils voient un munkar. Voilà. La da'wa, ce n'est pas réservé à un tel minannas ou une catégorie. Là. Qala sallallahu alayhi wa sallam, balligu anni walau aya, lakin bi shart. C'est que celui qui parle, man yatakallam fa yatakallam bi ilm. Man yatakallam, il doit maîtriser son sujet. Fa idha amra bi ma'roufin fa ya'mur bi ilm. Wa idha naha an munkarin fa bi ilm. Qala ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به يدعو إلى الله. Il n'appelle pas à son nafs. Il n'appelle pas à la voix de son sheikh, à la voix de tel madhhab. Il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle à manhaj ahli sunnati wal jama'a. Il appelle à aqidat al-salaf. Si son sheikh, wa lillahi alhamd, il est ala hada, fa alhamdulillah. Et si son sheikh et khalif, ou il se trompe, ou il s'égare, iyadan billah, il ne le suit pas aveuglément. Abadan, limadha li annahu san da'i ilallah. Fa qazduhu se al-akhira. Qazduhu se ridallahi subhanahu wa ta'ala. Qala mudhakiran bih, muraghiban fi ta'atihi. Kadalik, il encourage les autres. Il leur montre cette ni'ma qu'il vit lui. أي سي إلي على السنة ولله الحمد إلى دعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة إلى انكوغاش لزوت إلا غمونت خلنا سيسا طريق النجاة سيسا كي صبغ العبد. أما الأرجان والله سين فتنة, الأولاد سين فتنة, الدنيا سين فتنة. كم من الناس هلكوا بسبب هذه الأمور. أما سكي صبغ العبد العلم والعمل. قال فهذا من بركة الرجل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة. Et on doit tous se poser des questions. أين نحن من هذه البركة؟ أين نحن من العلم؟ On en est où في العلم؟ أين نحن من العمل بالعلم؟ On en est où في العمل؟ أين نحن من التمسك بالسنة؟ C'est ça la baraka. On doit tous se poser des questions. Et là, أن الضعف حاصل لكن on fait des efforts. Celui qui a un manquement dans telle chose, il fait des efforts قبل الموت, avant qu'un jour n'arrive, un moment arrive et on ne pourra plus. قال ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنه يضيع الوقت في المجريات. وهنا عندنا في المجريات بالفتح, والذي في النسخة الأخرى في المجريات أي ما يجري. فابن القيم رحمة الله عليه الآن يدمونتر أن les gens ils sont de deux catégories. بعضهم ils ont de la بركة أي العلم والعمل des nasa'ih, tu profiteras d'eux, imma du ilm, imma un conseil, imma le comportement, imma il t'encourage. Ça fait tout pour accompagner haoula, pour fréquenter haoula. Et un autre qism, ils n'ont pas cette baraka. Limada li'anna cette baraka ça avec les efforts, innama al-ilm bit-ta'allum. Ahle sunna wa lillahi alhamd, ils sont pas qu'as-soufiyya ad-dallal. أنهم يpensent que le baraka c'est s'essuyer sur leur cheikh ou min hadhihi al-bid'a wal-khurafat. La, أهل السنة ils ont la conviction أن البركة c'est العلم, c'est الإيمان, c'est المعتقد الصحيح. فمن الناس ils ont pas cette baraka. بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنه يضيع الوقت في المجريات. يضيع الوقت au lieu de s'occuper avec l'ilm, avec le da'wa, avec l'amal, avec le bahth, avec le hifz, imma la mémorisation, imma appeler les gens au khair, imma appliquer, imma apprendre, imma étudier. Ils perdent leur temps fi ma jara, fi ma hasal. Fulani va faire, fulani l'a fait, ils ont fait, l'actualité est yadhi' waqtuh. Khassatan à notre époque. تأملوا أن هذا الكلام من ابن القيم رحمة الله عليه بيان سور سا سون ايبوك يا في دي فتن فما بالك ان اوتر ايبوك الان زمن الفتن والمحن avec toutes ces مصائب الان qu'ils ont inventé كم من الناس يبيرد لوغ طون ربما تجلس معه اما يت بارل دو بوليتيك alors qu'il maîtrise rien في هذا الباب et il est pas من اهل هذا الشأن. Imma ils te parlent les actualités, ils vont faire, ils ont fait, et la plupart c'est du kadib. Et ça fait que l'écarter de dit. Imma kalamun fi a'radin nas, riba wa namima. Fa la haqiqa tu gagnes rien. Fa l'hadar al-hadar. Notre époque c'est akthar al-an avec les réseaux sociaux, avec internet. Kam min qil wa qal. Fitan. Et des paroles, il n'y a aucune source. Allahu a'lam, qui sait qui les propage. Et ça divise tout le monde. Et comme les gens perdent leur temps, et ils suivent, mettent l'aqwal ou l'akhbar, et ils répondent, et à la fin de la journée, et ce genre de personnes, ils ont le cœur serré plus qu'autre chose. Et il n'a pas profité, mais il n'a pas profité les autres. Si tu veux être Mubarak, tu as la solution là. Fais des efforts fil Qur'an al-Karim, fais des efforts fil ilm, fais des efforts fil hifz, fais des efforts, apprends ta aqida. S'il y a des doros, walillahi alhamd, assiste. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de doros, fais des efforts fil hifz, ça te sera utile. Apprends shaymin al-Qur'an, apprends al-arba'in al-nawawiyya, apprends la aqida al-islam, apprends kitab al-tawhid, apprends umdat al-ahkam, apprends ce genre de livres, c'est astavide. كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام أهل العلم ne perds pas ton temps avec هذا. بعض الناس vous avez remarqué, vous ربما vous en connaissez, أنهم ils essayent de trouver des solutions et il est derrière son clavier toute la journée et personne l'écoute. Mesquine, est-ce que هذا il va faire profiter les autres ou il va profiter lui? أبدا. La solution c'est في العلم. قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. La solution c'est pas في هذا. Perdre son temps, parler avec des majahil, madadri manhum. Est-ce qu'ils sont min al-jin ou min al-ins? Et tu trouves, wa'ad al-naz, wa'ad al-iqwa, ils perdent leur temps via hada. Qala ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi, wa yufsidu al-qalb. Cette perte de temps, elle va avoir une conséquence très grave. Anna al-qalb yafsud. Li anna al-qalb idha mastafada, rubbama, il s'est fait attaquer par des shubah et des shahawan. ويمرض اي devient malade. هذا القلب c'est un récipient qu'il faut remplir ولا بد. Et ce قلب s'il n'est pas rempli avec le khayr, avec le sunna, avec le tawhid, avec l'ilm, il sera la proie de toutes les shubah. Une shubha sur internet et ce قلب il va l'absorber. Un tel il a dit, j'ai entendu, et il n'a pas l'ilm pour comprendre, pour discerner les choses, et il devient malade, il a des doutes. Au lieu d'occuper هذا القلب بالقرآن الكريم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بالعلم بالبحث بالرحلة etc. ce قلب il est occupé par des choses لا تنفع بل تضر. قال ابن القيم رحمة الله عليه وتعود بضياع حظه من الله. لأن s'il n'est pas occupé par le خير, il sera occupé par le shur et il va s'écarter. Min dinillahi azza wa jal. Au lieu de jour après jour s'améliorer et appliquer as-sunnah et gagner des hasanat jour après jour, au contraire, chaque jour il s'enfonce fil jahl wal inharaf. Qala wa nuqsan darajatihi wa manzilatihi 'indah. Au lieu de faire des efforts et augmenter en degré indallahi azza wa jal, apprendre jour après jour, faire des efforts fi ta'a ila akhir, au contraire. Qala wa li hadha وصى بعض ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. نصيحة جميلة. احذروا faites attention من مخالطة المخالطة c'est se mélanger fréquenter qui من تضيع مخالطته الوقت أي si tu te mélanges avec lui si tu l'approches tu perds ton temps. كلام في الناس كلام فارغ ربما كلام qui a aucune valeur qui est fondé sur rien et c'est une perte de temps. احذر من هؤلاء الجلساء. Fais attention. Si tu peux leur montrer, montre-leur. S'ils écoutent Masiha, on sahum. S'ils n'écoutent pas, et ils sont daïman fil qil wal qal wal fitan, fahdar. Fais attention. Wallahi, c'est une maladie. Anna, si on ne s'écarte pas, farubbama, ça pénètre dans ton cœur et tahlak. Qala, wa tufsidu al qalb, fa innahu man dha'a al waqt. وفس قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. Si الإنسان il perd son temps متى ضاع الوقت وفسد القلب. Si tu perds ton temps et tu prends pas soin de ce cœur et ce cœur عياذا بالله il est atteint par مرض الشبه والشهوات. قال ابن القيم انفرطت على العبد أموره كلها ربما يبيغت tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il n'y a plus de فائدة. لماذا؟ لأن son cœur il est malade et son temps il est occupé par الشر. قال وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي ضائعا. الله سبحانه وتعالى nous met en garde contre ce genre de personnes. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. N'obéis pas, n'écoute pas هؤلاء qui sont loin de sunnah, qui sont loin du Coran, qui sont loin du ilm. لماذا؟ لأنهم quand ils vont parler en se basant sur le hawa, en se basant sur des choses personnelles, en se basant sur dunya, est-ce qu'il y a un gain amla. Ils ne vont pas se baser sur le haq et ils veulent ton bien. أبدا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. Si tu vois واحد il ne veut pas revenir au kitab, à la sunna, à quoi l'ahl al-ilm, manhaj al-salaf, tu le trouves فقط هوا. فلا تطعب نفسك معه. Ne perds pas ton temps à polémiquer معه. فلهذا نحن met souvent en garde contre tous ces réseaux sociaux إلى آخره. لأن كثيرا من الناس ils suivent le hawa. Et tu trouves واحد من إخواني là, il perd son temps مع هؤلاء. قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا. Qu'est-ce que tu espères de هذا؟ Tu perds ton temps فقط. Est-ce que tu as trouvé que هذا pour conseiller؟ Il n'y a que lui que tu peux conseiller. Est-ce que tu as conseillé tes parents? Est-ce que tu as conseillé tes frères et sœurs? Est-ce que tu as conseillé tes voisins? Est-ce que tu as conseillé tes cousins, tes oncles, tes tantes? Comme minanas, tu as trouvé que هذا ضايع sur internet et tu perds ton temps معه. Et robama à la fin tu auras que du sort de sa part. Des insultes robama haz, robama il te parle plus, robama il t'accuse. Fa liman a perdu son temps avec haoula. Qala rahmatullah alayhi wa man ta'ammala hal hadha al khalq وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى. Si tu viens الآن à analyser حال الناس, ça c'est à l'époque d'Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه. أما à notre époque c'est autre chose. فالجهل il est أكثر, c'est incomparable. والشر il est كذلك أكثر. والعلم il est قليل par rapport à cette époque. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi qal, si tu analyses la situation, tu trouveras un akthar nas ils sont à la hada. Ils perdent leur temps et ils ont des cœurs malades. Illa aqallul qalil. Aqallul qalil. Vraiment une petite partie, walillahi alhamd, qui préserve son cœur et qui fait des efforts fil ilm. Qala, wa man ta'ammala hal hadha al-khalq. وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم. Si tu analyses, tu trouveras أن أكثر الناس ils sont على هذا. غفلت قلوبهم عن ذكر الله, ils sont loin du ذكر. Et le ذكر هنا s'englobe الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر بالجوارح. أي ils sont loin de الاستقامة. Ils sont loin de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yarhamukullah. Wattaba'u ahwa'ahum. Et ils suivent al-hawa. Lianna celui qui s'écarte du dhikr, al-Qur'an et al-Sunnah, forcément il suivra al-hawa. Forcément. Qala azza wa jalla, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Hatta al-ba'd, ils vont atteindre un niveau en il va prendre comme ilah al-hawa. لأن الإنسان il est مفطور على هذا, il doit adorer, il doit suivre. S'il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, il adorera autre. S'il ne suit pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il suivra un autre. قال واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم فليعود بضررهم عاجلا وآجلا. هؤلاء vu qu'ils se sont écartés du dhikr, du haq, du Quran, de la sunna, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi démontre أن أمورهم أي tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, il n'y a plus de naf, il n'y a plus de khayr, ils profitent plus. بل ils se font du mal et ils font du mal aux autres. وَاشْتَغَلُوا بِمَا لَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils sont occupés par des choses qui leur font beaucoup de mal. بَلْ يَعُودْ بِضَرَرِهِمْ عَاجِلًا وَآجِلًا. Si tu veux comprendre هذا, on peut citer des exemples. فَهُنَاك مَنْ يَشْتَغِلْ بِالدُّنْيَا لَيْلًا وَنَهَارًا. بَعْضُهُمْ, et vous en connaissez comme moi j'en connais, رُبَّمَا il s'occupe de dunya min al sabah ila al layl la dars la ilm, pas de lecture, pas d'apprentissage, bel ba'dhum pas de sala ou la shay, travaille du matin au soir ka annahu khuliqa min ajli hada, comme s'il avait été créé pour travailler, alors que le travail c'est une ni'ma, lakin si c'est un travail halal bien sûr, et un travail qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, amma un travail qui t'éloigne du din, qui t'éloigne d'Allah azza wa jal, c'est une fitna, la tafrah bih wallahi walaw si te donne des millions, la tafrah, lianna hadha al-amal il s'arrêtera et tu mourras comme tout le monde. Et qu'est-ce que tu vas gagner yawm al-qiyama, est-ce que ce travail va être utile? Abadan. يوم القيامة سكي يتلسى الحسنة من الناس من يشتغل ليلا ونهارا avec le sport. Il se réveille, il pense à هذا. ربما il se prépare. ثم il fait du sport. ثم l'après-midi il se repose. ثم le soir il fait des recherches. Toute sa vie elle tourne autour du sport. Est-ce que ce sport il va lui être utile? Ah ben c'est une fitna. Ce corps qu'il entretient il sera enterré sous terre comme tout le monde. فهذا le sport c'est tayyib, lakin un court moment et bien sûr sans haram, et le but c'est de se préserver pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce corps? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une fitna. Wallah, il vaut mieux être rubbama avoir un corps très faible et Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, que avoir de la quwwa et rubbama ce corps il est dans la nar يوم القيامه. والله المستعان. ومن الناس كذلك ان همهم leur préoccupation دائما c'est le مستقبل l'avenir. ولا تظن الناس المستقبل اي pense al janna wa yawm al qiyamah wal hisab, ils se posent des questions avant que Allah subhanahu wa ta'ala l'interroge يوم القيامه. لا, مستقبل دنيوي. وللاسف كثير من الناس يزيدوك leurs enfants على هذا المستقبل المستقبل. Et il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il apprenne telle chose, il faut qu'il a un emploi. Ya fulan ma tadri, est-ce qu'il va vivre ou il va mourir هذا الولد. Apprends-lui din Allah azza wa jal, fais des efforts pour lui enseigner din, c'est ça qui va lui être utile. On dit pas que la dunya c'est haram, là qu'il apprenne des choses, mais umur dunya qui lui seront utiles, lakin sans négliger din, et lui montrer à cet enfant dès le plus jeune âge, anna al-mustaqbal al-haqiqi, c'est Al-Jannah. Cette dunya, ça passera. Cet enfant, même s'il n'arrive pas à s'en sortir, مثلا, في الدنيا, il n'arrive pas à avoir un bon travail, apprends-lui la patience. Ça y est, sabir, il mourra. Et bien, idn Allah, yartah, yawm al-qiyamah, ou yartah fil Jannah, éternellement. Mais qu'est-ce qu'il va gagner cet enfant? Annahu, si tu lui apprends faqat al-mustaqbal al-dunya, ou annahu, il va avoir ce travail, il va avoir tel salaire. Ou rubbama, il meurt. On a chaque, on va tous mourir. Lakin, rubbama, il meurt très tôt. Rubbama, il mourra à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Est-ce que ce père ou cette mère, ils ont été utiles pour cet enfant? Abadan. Ils auraient appliqué cette nasiha de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. On doit tout faire pour avoir cette baraka. Faire attention aux choses qui nous éloignent. La chèque, on n'éduquera pas nos enfants à la hada al-mustaqbal. Allahu a'lam. Est-ce qu'on va l'atteindre, là? Bardan, il travaille, il pense déjà à la retraite. Et peut-être qu'il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, il pense déjà à cotiser sa retraite. Ma tadri hada. Ça, c'est pas quelque chose, fil haqiqa, de nafi'. Là, ce qui sera utile, bi idnillahi azza wa jal, pour toi, akhi al-karim, c'est at-tamassuk bi dinillahi azza wa jal. C'est que tu t'accroches au din. Qal ibn al-qayyim, wa ha'oula. On a cité quelques exemples. Aïe. Qui se sont écartés du din et ils sont occupés par autre chose. Wa ha'ula qad amara Allah subhanahu wa rasuluhu an la yuti'ahum. Et ça, c'est une fa'ida azima pour toi, akhi al-karim. Si tu fais des efforts fi al-amal bis sunnah wa fi al-ilm. Si Allah tawaffaq annaka tu aimes l'ilm et tu fais des efforts, rubbama tu as voyagé pour cela, rubbama tu as fait des sacrifices, isbir wa la tuti'. Et surtout, n'obéis pas à ceux qui essayent de t'écarter de ce chemin. Il y en a, tu entendras, pardonnez, si t'en diront, mais tu travailles pas. Ah, ou si tu travailles, mais tu fais pas telle chose. Mais tu es toujours en train de faire telle chose, et étudier l'ilm ou voyager. La tuti' ha'oula. Ha'oula, ils sont fi jahl, et ils sont fi ghafla, et ils comprennent pas ces choses. Isbir. Qal ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ أَلَّا يُطِيعَهُمْ فَلَا تُطِعْ هَؤُلَاء. كثير من الناس ils t'encourageront pas à suivre le sunnah, à apprendre l'ilm. Là, كثير من الناس, vous avez remarqué, c'est daïman le travail, daïman l'avenir, est-ce que tu as mis de l'argent de côté, est-ce que tu as un projet, est-ce que... ils sont في هذه الأمور. احذر. احذر, c'est d'aucune utilité هذا في الآخرة. Ça peut être utile, celui, on répète, annahu, il ne fait pas des concessions sur son din, et il ne fait pas des choses haram pour arriver à hada. Si c'est du halal, alhamdulillah. Lakin, que ça prenne tout notre temps, et ça nous écarte de sunnah, ou l'ilm, et ça nous écarte des obligations, c'est une fitna. Qala, fata'atu rasuli la tatim illa bi'adam ta'ati ha'ula. Ça te montre, Anna, tu dois faire des choix. Tu ne pourras pas suivre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et suivre les gens, abadan. Surtout à notre époque. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit la mixité. Kathirun minan nas, la mixité, pour eux, c'est normal. Rubbama, si tu lui dis là, je ne travaille pas dans cet endroit, s'il y a de la mixité, c'est haram. Rubbama, il ne comprend pas. Obéis à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kathirun minan nas, il pense que pour gagner sa vie, il faut forcément faire des concessions fi dinillah. C'est pas vrai, hada. Obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa la takhaf. Ala kulli hal, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il veut démontrer, anna, t'es obligé de faire des sacrifices. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Fais attention de pas délaisser ce modèle alayhi salatu wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, il l'a envoyé comme rahma pour suivre un autre. Wallahi, cet autre, il te sera d'aucune utilité. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut ton bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour le khir, pour nous montrer le khir. Fais suis-le. Suis-le, hatta tu le rencontres, yawm al-qiyamah, inda al-hawd. Une des premières étapes, yawm al-qiyamah, tu rencontres le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inda al-hawd, vers son bassin. Première chose, tu profites, tu bois. Bi idnillahi azza wa jal. Min ذلك الحوض, première récompense, là, tu ne seras plus jamais atteint par la soif. Tastafid. Amma ha'oula, qu'ils essayent de te tirer vers dunya. Ba'd an-nas, ils veulent absolument que tu les suives. لماذا؟ لأنهم situés différents d'eux, ça les dérange. لا تبالي بهؤلاء. هؤلاء ils vont être utiles يوم القيامة. Ils ne te sont pas utiles في الدنيا. Que dire de يوم القيامة؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه طاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. Tu trouves واحد يتابلغها à faire du sport معه et à perdre ton temps. Tu trouveras واحد يتابلغها à ربما عيادا بالله à du فساد à délaisser telle chose à profiter معه. احذر والله c'est pas une solution. هذه الدنيا فانية. Ça passe très vite. Comme من الناس ils ont voulu profiter وجاءهم ملك الموت عن غفلة. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans la tombe? Qu'est-ce qu'ils vont dire يوم القيامة? فاصبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Celui qui s'accroche à la sunna, الخير il est موجود. Tu veux te marier, alhamdulillah, c'est une sunna. Tu veux travailler, alhamdulillah, personne ne t'empêche. Gagner de l'argent halal, personne ne t'empêche. Lakin, fais attention à junud iblis. Ils vont essayer de t'écarter hum du khayr. فَنَحْنُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Le khayr il est حاصل pour أهل السنة. Que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit le mariage. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. C'est des choses mubaha halal. فلا مانع لكن que ça nous écarte du din, du ilm et on tombe dans le ghafla, le danger il est là. قال رحمة الله عليه والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. هذا سان كلام قوي لمن تأمل. Et c'est deux choses. Al-ghafla, anillah. Al-ghafla, c'est un mot qu'on va citer souvent, inshallah ta'ala, c'est l'insouciance. Ghafla. Aïe, s'écarter du din, du zikr. Qala, mata tazawajat bittiba' al-hawa. Tazawajat, ça vient de zawaj, se marier. Aïe, al-ma'na, huna, aïe, ijtama'at. Aïe, si. Al-ghafla, elle se rassemble avec ittiba al-hawa. Al-hawa, c'est les passions. Suivre ses passions, tawallada ma baynahuma kullu shar. Et ce mariage, le résultat, ça sera que du mal. Al-ghafla wa ittiba al-hawa. On doit faire très très attention à ces deux maladies, iyadun billah. Al-ghaflatu an dhikrillahi azza wa jal et al-hawa. Pour s'en écarter, al-ghafla, pour s'écarter de l'ghafla, al-dhikr, faire du dhikr. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu sors de chez toi, quand tu rentres de chez toi, quand tu sors de chez toi, quand tu rentres chez toi, quand tu manges, qira'at al-Qur'an, bien sûr al-ilm, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs, connaître sa aqida, sa croyance, tout ça, ça va t'écarter de l'ghafla. Al-hawa, pour s'écarter de l'hawa, il faut revenir au Coran et à la Sunna. Avec ces deux choses, bi-idhnillahi azza wa jal, bien sûr, tout ça avec le dua. Al-insan yukthir min al-dua. Les annas qu'on cite l'an, c'est des asbab. Wa illa fa celui que Allah subhanahu wa ta'ala y guide, fa il y arrivera. Lakin, on doit faire attention à hada. Qala Allah azza wa jal, fi kitabihi al-karim, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ça c'est من أوصاف الكفرة أنهم يسون غافل عن الآخرة. فاحذر أخي الكريم. Fais attention de ne pas oublier. بعض الناس ils vivent الآن, ils travaillent et ils ont des activités et ils sont في غفل عن دينهم تماما. Alors que c'est un مسلم, il se dit مسلم لكن غفل. حتى بعضهم سي 5 صلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé c'est amoud din, c'est la base, c'est le pilier de notre din. Et في الحقيقه ces 5 صلوات les faire à l'heure il y a une hikma azima, ça t'évite de tomber dans le ghafla. Le matin tu te réveilles al fajr et tu commences la salat avec le takbir Allahu akbar. Et Allah il est akbar min kulli shay, Allah il est akbar du travail, de l'argent, des gens, ila akhir. Ça t'évite de tomber dans le ghafla. À l'heure du dhuhr, une deuxième salat. Kadhalik, ça t'évite de tomber fil ghafla. Et elle est à la fin de la matinée, le début de l'après-midi. Al-Asr au milieu de l'après-midi, une autre salat. Pour t'éviter de tomber fil ghafla. Kadhalik, au coucher du soleil et au début de la nuit ou au milieu de la nuit, salatul isha. Wa'adannas hadhihi salawat. Haqiqa, c'est un rempart contre le ghafla, ils l'ont délaissé. Et ils sont tombés fi ghaflatin sahiqa. Très très dangereuse, ayyadan billah. Wa qalu jalla wa ala iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ça c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqtaraba lin-nas hisabuhum, et leur décompte à l'approche, et tu trouves kathirun min an-nas, ils sont fi ghaflatin mu'ridun, et ils se détournent et ils sont fi ghafla. Ça nous montre un a parmi les moyens pour t'écarter de le ghafla, akhil karim, pense à yawm al-qiyam. Comment tomber dans le ghafla alors que demain tu peux rendre des comptes? Fi dunya law qila lak, si مثلاً un de nous, ونسأل الله العافية والسلام, il devrait passer au tribunal dans quelque temps pour une affaire, il a arrêté, voilà, chacun il va tout faire pour s'en sortir. Là, c'est quelque chose de dunya, Obama, tu risques pas grand chose. Tous on sera enterrés تحت الأرض. Tous on sera interrogés par deux anges. Tous on sera ressuscité يوم القيامة. مَا مِنْكُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَلَى هَكَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Chacun de vous, Allah lui parlera. Enfin, pourquoi tomber dans le ghafla? Si on se rappelle de ces choses, on ne peut pas tomber dans le ghafla. Ça nous montre, celui qui tombe dans le ghafla, عِيَدًا بِاللَّهِ, c'est celui تَأَثَّرَ بِالْكَفَرَ. Al-Kafara, pourquoi les gens sont fi ghafla? Al-Kuffar. Non, mais ils n'ont pas d'iman. Ils n'ont pas d'iman. Kathir minhum l'an, ils n'ont plus cette croyance, yawm l'akhir, la résurrection, ils n'ont plus tout ça. Bel pour eux, c'est dunya faqat. Falihada, ils sont tombés dans ce système et dans le ghafla. Amma anta akhil karim, t'es un muslim. T'auras des comptes à rendre. Falihada, al-muslimun, ils ne donnent pas d'importance beaucoup à cette dunya. Tu trouves, ba'd al-juhal min al-muslimin, ta'athara bi ahli al-kufr. Et vous l'avez déjà entendu, Robin, yaqulun anzuru li kuffar, qui sont arrivés, tout ce qu'ils ont fait, et nahnu on est toujours, nahnu on est fi khayr. Ça c'est kalam al-juhal. Wallahi, les salawat qu'on fait, walillahi alhamd fi al-masjid, c'est ahsan wa anfa' que tout ce que les kuffar ils ont fait, leur invention, leur technologie, la akhri. Et là c'est des choses, an-naf' il est qasir, c'est restreint. Ils en profiteront un peu fi dunya. Amma hada ad-din fa naf'uhu shamilun لدار الدنيا ودار الآخرة. تأمل هذا الكلام لابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين. يبعد الغفلة. قال رحمة الله عليه: والعجب كل العجب من حال أكثر الناس كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر. أكثر الناس. ابن القيم رحمة الله عليه قال العجب. أي سئتنا أن أكثر الناس كيف يقضي الزمان. أي كمو يباس لغتهم. أي في غفلة. قال: والقلب محجوب عن الله ودار الآخرة. Et leur cœur, il est, عياذا بالله, il y a un voile entre leur cœur et طاعة الله سبحانه وتعالى et الآخرة. أي أبدا leur cœur, il se préoccupe du دين ou de دار الآخرة. C'est pour ça que tu trouves, هؤلاء, ils font aucun effort. كأنهم, ils vont pas être ressuscités. وهيهات. قال: وخرج من الدنيا كما دخل إليها. هؤلاء, cette catégorie de personnes, ils sortiront من الدنيا comme ils sont rentrés. Ils sont rentrés بجهل إلى آخره. Ils étaient sur rien. Ils n'avaient pas d'amal إلى آخره. Ils sortiront من الدنيا نفس الشيء. بل ils sortiront comme ils sont rentrés là bas. لكن ils vont sortir عياذا بالله avec ذنوب وكفر وإعراض. Ils se sont détournés. Ils n'ont pas cru. قال: وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها. فلهذا ابن القيم رحمة الله عليه في الحقيقة il a de la peine pour هؤلاء. أن la chose la plus profitable, ils n'ont pas pu la goûter في الدنيا. أي العلم والإيمان. C'est ça les choses où il y a le plus de saveur في الحقيقة في الدنيا. أما l'argent ça vient, ça part. La santé ça vient, ça part. Les enfants كذلك. أما العلم والإيمان فسي سباق فالخسارة. Celui qui perd العلم والإيمان il a tout perdu عياذا بالله. قال: بل عاش عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس. بل هؤلاء ils vivent comme des animaux, عياذا بالله. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils s'accouplent. هكذا شأن الحيوانات. Tu trouves هؤلاء qui sont في غفلة وأعرضوا. C'est comme des animaux, عياذا بالله. بل هم أضلوا سبيلا. فلهذا قال ابن القيم وانتقل منها انتقال المفاليس. المفاليس c'est le pluriel de مفلس. المفلس c'est celui qui a tout perdu, qui est ruiné. فهؤلاء ils sortiront من هذه الدنيا et ils ont tout perdu. Ils ont perdu الدنيا et ils étaient en vie et ربما ils profitaient de certaines choses, femmes, enfants, nourriture, boisson. Ils ont perdu هذا لأنهم ils sont morts et كذلك ils auront aucune part في الآخرة. أي من النعيم بل يسرون في النار. Est-ce que مثل هؤلاء tu peux les envier أخي الكريم؟ Est-ce que مثل هؤلاء ça peut être un modèle pour nous؟ أبدا. مثل هؤلاء on doit les détester في الله عز وجل لأنهم ils se sont détournés et كذلك ils doivent nous faire de la peine لأن la situation elle est critique. قال فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. يغزمون une phrase حال هؤلاء. حياتهم عجزا. C'était des incapables في الدنيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله nous a créé que pour l'adoration. Tu trouves هؤلاء أن un sujoud il arrive pas à le faire. Est-ce que هؤلاء ils sont على الشيء؟ والله هؤلاء c'est من أضعف خلق الله. Al-kafara. Et le but de la création, c'est l'adoration, ils n'arrivent pas à se prosterner. Un jour de siyam, ils n'arrivent pas. فَحَيَاتُهُمْ عَجْزًا. C'est des incapables. قَالَ وَمَوْتُهُ كَمَدًا. Kamad, c'est الحزن الشديد. Leur mort, c'est la tristesse. لِمَاذَا لِأَنَّهُ quand il est mort, il voit الْمَلَائِكَ. ثُمَّ il est placé dans sa tombe, ثُمَّ les anges descendent. Et ta'lamoun, les questions, s'il ne répond pas, il est frappé, le châtiment, il commence. Huzn. Qala, wa ma'aduhu hasratan wa asafa. Al-ma'ad, c'est la résurrection. Quand il sera ressuscité, les regrets. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est comme tout le monde, il sera ressuscité nu, et il possède rien, et personne ne fait attention à lui. Et la seule chose qui peut le sauver, c'est al-iman wa al-amal. ورحمة الله عز وجل لكن c'est un كافر il ne peut pas en profiter. فهؤلاء imagine أنت et في حقيقة méditer sur le cas de هؤلاء c'est نافع pour chaque مسلم. Imagine أنت cette حسرة, ces regrets. لو الآن tu perds tout, tu perds femme, enfant, tu perds tes biens, tu te retrouves dehors tout seul, tu n'as plus rien, ça serait très très difficile. لكن مع هذا si c'est في الدنيا c'est surmontable. ربما tu peux te remarier, ربما tu peux retravailler, ربما tu peux avoir des autres enfants, tu patientes et tu peux retrouver certaines choses alors que c'est difficile. ما بالك يوم القيامة. ما بالك واحد يبيرد تو et عيادا بالله il est في نار جهنم et il sort plus jamais. هذا ابن القيم رحمة الله عليه il insiste beaucoup dans ses livres, il met en garde contre le غفلة et il conseille al muslimin de faire des efforts في العلم والعمل. Pourquoi? لأن celui qui tombe dans le refla, عياذا بالله, il peut tout perdre. لهذا, on répète la parole d'Ibn al-Qayyim, وَالْغَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ مَتَى تَزَوَّجَتْ بِاتِّبَعِ الْهَوَى. Si le refla, l'insouciance, elle rejoint اتِّبَعِ الْهَوَى, et le suivi des passions, تَوَلَّدَ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ شَرْ. Ça va donner que du mal. فَحْذَرْ مِنْ هَذَيْنَ الْمَرَضَيْنِ. La ghafla, l'insouciance, et كذلك اتباع الهوى. ودائما on se rappelle مثل قول الله عز وجل واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. Ce genre de verset, ça t'évitera de tomber في الغفلة. واتقوا الله. Fais des efforts في السنة. Fais des efforts في الإيمان. Fais des efforts في الطاعة. Fais des efforts في التقوى. C'est un amr bin Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé. Il nous ordonne hada. Wattaqullah. Attaqwa, c'est dit. Faire les obligations, s'écarter des interdits. Faire les choses recommandées et délaisser les choses détestables. Ça englobe tout dit. Wattaqullah. Et applique ton dit. Wa'alamu annakum mulaqou. Et sache que tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont deux catégories. Al-fa'izun, ashabul yamin, et al-khasirun, ashabul shimal. Qala azza wa jal, fariqun fil jannah, wa fariqun fil sa'ir. Et min hayth al-khulud, bien sûr. Aqidat ahl-sunnah, comme on a répété plusieurs fois. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وأن يجنبنا الغفلة والفتن وسائر ما يضر إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا القدر يجودي إن شاء الله نقرأ الكلام كي أبخي حياكم الله